Genèse chapitre 41. Mais il arriva qu'au bout de 2 ans entiers Pharaon songea, et il lui semblait qu'il était près du fleuve, et voici, ses jeunes vaches, belles à voir, grasses et en embonpoint, montaient hors du fleuve, et paissaient dans des marécages. Et voici, cette autre jeune vache, laides à voir, et maigres, montaient hors du fleuve après les autres, et se tenait auprès des autres jeunes vaches sur le bord du fleuve, et les jeunes vaches laides à voir, et maigres, mangèrent les 7 jeunes vaches belles à voir, et grasses. Alors Pharaon s'éveilla. Puis il se rendormit, et songea pour la seconde fois, et il lui semblait que cet épigrenu, ébe sortait d'un même tuyau. Ensuite il lui semblait que cet autre épi, mince et flétri par le vent d'Orient, germait après cela, et les épis minces engloutirent les 7 épigrenus et pleins. Alors Pharaon s'éveilla, et voilà le songe. Et il arriva au matin que son esprit fut effrayé, et il envoya appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et leur récita ses songes, mais il n'y avait personne qui les lui interpréta. Alors le grand Échanson parla à Pharaon, en disant, « Je rappellerai aujourd'hui le souvenir de mes fautes. » Lorsque Pharaon fut irrité contre ses serviteurs, et nous fit mettre, le grand panetier et moi, en prison dans la maison du prévôt de l'autel, alors lui et moi songeâmes un songe en une même nuit, chacun songeant ce qui lui est arrivé selon l'interprétation de son songe. Or il y avait là avec nous un garçon hébreu, serviteur du prévôt de l'autel, et nous lui contâmes nos songes, et il nous les expliqua, donnant à chacun l'explication selon son songe. Et la chose arriva comme il nous l'avait interprété, car le roi me rétablit en mon état, et fit pendre l'autre. Alors Pharaon envoya appeler Joseph, et on le fit sortir en hâte de la prison, et on le rasa, et on lui fit changer de vêtements, puis il vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai songé un songe, et il n'y a personne qui l'explique, or j'ai appris que tu sais expliquer les songes. » Et Joseph répondit à Pharaon, en disant, « Ce sera Dieu, et non pas moi, qui répondra ce qui concerne la prospérité de Pharaon. » Et Pharaon dit à Joseph, « Je songeais que j'étais sur le bord du fleuve, et voici, 7 jeunes vaches grasses, et en embonpoint et fort belles, sortaient du fleuve, et paissaient dans des marécages. Et voici, cette autre jeune vache montait après celle-là, chétive, si laide et si maigre, que je n'en ai jamais vu de semblable en laideur dans tout le pays d'Égypte. Mais les jeunes vaches maigres et laides, dévorèrent les 7 premières jeunes vaches grasses, qui entrèrent dans leur ventre, sans qu'il parût qu'elles y fussent entrées, car elles étaient aussi laides à voir qu'au commencement. Alors je me réveillai. Je vis aussi en songeant, et il me semblait que 7 épis sortaient d'un même tuyau, plein et beau, puis voici, 7 épis petits, mince et flétri par le vent d'Orient, qui germait après. Mais les épis minces engloutirent les 7 beaux épis. Et j'ai dit ces songes aux magiciens, mais aucun ne me les a expliqués. Et Joseph répondit à Pharaon, ce que Pharaon a songé, n'est qu'une même chose, Dieu a déclaré à Pharaon ce qu'il s'en va faire. Les 7 belles jeunes vaches sont 7 ans, et les 7 beaux épis sont 7 ans, c'est un même songe. Et les 7 jeunes vaches maigres et laides, qui montaient après celles-là, sont 7 ans, et les 7 épis vils et flétris par le vent d'Orient, seront 7 ans de famine. C'est ce que j'ai dit à Pharaon, savoir, que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il s'en va faire. Voici, 7 ans viennent auxquels il y aura une grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Mais après ces années-là viendront 7 ans de famine, alors on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays, et on ne reconnaîtra plus cette abondance au pays, à cause de la famine qui viendra après, car elle sera très grande. Et quant à ce que le songe a été réitéré à Pharaon pour la seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de Dieu, et que Dieu se hâte de l'exécuter. Or, maintenant, que Pharaon choisisse un homme entendu et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon aussi fasse ceci, qu'il établisse des commissaires sur le pays, et qu'il prenne la 5e partie du revenu du pays d'Égypte durant les 7 années d'abondance, et qu'on amasse tous les vivres de ces bonnes années qui viendront, et que le blé qu'on amassera demeure sous la puissance de Pharaon pour nourriture dans les villes, et qu'on le garde. et ces vivres-là seront pour la provision du pays durant les 7 années de famine, qui seront au pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Et la chose plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme semblable à celui-ci, qui eut l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit si entendu, ni si sage que toi. Tu es, iras sur ma maison, et tout mon peuple te baisera la bouche, seulement je serai plus grand que toi, quant au trône. » Pharaon dit encore à Joseph, « Regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Alors Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit en celle de Joseph, et le fit vêtir d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou, et le fit monter sur le chariot qui était le second après le sien, et on criait devant lui, qu'on s'agenouille. Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans toi nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela le nom de Joseph Tsaphnath-Paanéa, et lui donna pour femme Asenath, fille de Potiphéra, gouverneur d'On. Et Joseph alla visiter le pays d'Égypte. Or Joseph était âgé de 30 ans, quand il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et étant sorti de devant Pharaon, il passa par tout le pays d'Égypte. Et la terre rapporta très abondamment durant les 7 années de fertilité. Et Joseph amassa tous les grains de ces 7 années, qui furent recueillis au pays d'Égypte, et mit ses grains dans les villes, en chaque ville, les grains des champs d'alentour. Ainsi Joseph amassa une grande quantité de blé, comme le sable de la mer, tellement qu'on cessa de le mesurer, parce qu'il était sans nombre. Or, avant que la première année de la famine vînt, il naquit 2 enfants à Joseph, qu'Asenath, fille de Potiphéra, gouverneur d'On, lui enfanta. Et Joseph nomma le premier-né, Manassé, parce que, dit-il, Dieu m'a fait oublier tous mes travaux, et toute la maison de mon père. Et il nomma le second, Ephraïm, parce que, dit-il, Dieu m'a fait fructifier au pays de mon affliction. Alors finirent les 7 années de l'abondance qui avait été au pays d'Égypte. Et les 7 années de la famine commencèrent, comme Joseph l'avait prédit. Et la famine fut dans tous les pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte fut affamé, et le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain, et Pharaon répondit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph, et faites ce qu'il vous dira. » La famine donc étant dans tout le pays, Joseph ouvrit tous les greniers qui étaient chez les Égyptiens, et leur distribua du blé, et la famine augmentait au pays d'Égypte. On venait aussi de tout pays en Égypte vers Joseph, pour acheter du blé, car la famine était fort grande par toute la terre.